Troisième partie, au marché. Non, pas ces champignons. Regardez, ils sont tous sales. Il est facile de les laver. Donnez-moi de ceux-là. Ils sont plus propres. Non, madame, pas ces pommes-là. Elles sont toutes petites. Alors, vous voulez celles-ci? Oui. Bon. Mais elles ne sont pas aussi mûres que les autres. Peut-être. Mais elles peuvent mûrir. Les petites, elles, ne peuvent pas grossir.